Évariste Ndikomanyanga. Albert Nouaïa sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les partis Sawanafro Debout et FNL trouvent que les cautions exigées pour les candidatures aux prochaines élections sont exorbitantes. Les représentants de ces formations politiques estiment que ces cautions devraient être revues à la baisse pour les uns et tout simplement les supprimer pour d'autres. Vous aurez les détails dans ce journal. L'exclusion de certains politiciens qui risquent de replonger le pays dans des crises qu'il a connues dans le passé. Certains signes du monopartisme à la veille des élections au Burundi. Ce sont là les unes des inquiétudes du Conseil des évêques catholiques au Burundi, selon le communiqué que cette conférence publique a publié le 21 mars de l'année en cours. Le groupement Sogeya Satom Getra, qui réhabilitait la RN3 tronçon Rumonge-Gitaza, annonce qu'il procédera à la démobilisation de l'ensemble de ses moyens en personnel et en matériel dès le 20 avril de cette année, et ceci figure dans une correspondance que ce groupement a adressée au directeur général de l'agence routière du Burundi ARB. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette actualité par la page politique. Le nouveau projet portant modification du code électoral introduit une nouvelle infraction, à savoir que toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame des résultats d'une élection avant les organes compétents sera passible notamment d'une peine allant de 5 ans à 10 ans. Le nouveau projet récemment adopté par l'Assemblée nationale du Burundi ramène l'heure de fermeture de vote de 16h à 15h. Quelques autres motivations du code électoral avec Alain Désiré Boukenet. Parmi les innovations apportées par le nouveau projet de code électoral, les cautions exigées ont été revues à la hausse. Tout candidat à la présidentielle est tenu de constituer un cautionnement de 100 millions, une caution qui s'estimait à 30 millions avec le code en cours de révision. La caution exigée pour les candidatures au poste de député a été portée de 500 000 à 2 millions de francs burundais et les candidats sénateurs devront s'acquitter d'une caution de 2 millions au lieu de 400 000 francs burundais qu'exigeait l'ancien code. La déclaration de candidature au poste de conseiller communal est désormais conditionnée par une caution de 200 000 francs burundais. Le nouveau projet de code apporte également une nouveauté quant aux infractions. Ainsi, toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame des résultats avant les organes compétents sera passible d'une peine allant de 5 ans à 10 ans ou d'une amende allant de 800 000 à 4 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Une autre infraction concerne toute personne physique ou morale qui, à l'aide de fausses informations, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, perturbe le déroulement du scrutin. La personne physique ou morale concernée sera passible d'une peine de servitude pénale d'un mois à une année ou d'une amende de 4 à 8 millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même pour quiconque détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Parmi les motivations annoncées par le gouvernement à l'Assemblée nationale figure que le but du nouveau code est de sanctionner les médias et réseaux sociaux qui propagent des messages susceptibles de compromettre le processus électoral ou attiser la violence électorale. En outre, l'heure de fermeture du vote est ramenée de 16h à 15h, la motivation étant d'avoir le temps de comptage et compilation des procès-verbaux, estimant que les distances seront plus longues en fonction du nouveau découpage administratif. Merci à Alain Désiré Boukenez. Le parti Sawanafro Debout trouve que les cautions exigées pour les candidatures aux prochaines échéances électorales sont exorbitantes. Le vice-président de ce parti, Phineas Nigaba, estime qu'elles devraient être revues à la baisse pour les uns et tout simplement les supprimer pour d'autres afin de permettre à tout le monde de participer à ces élections. Concernant le dépouillement au sein du parti Sawanafro Debout, ils estiment que le mieux serait de le faire sur place et que tous les mandataires rentrent avec des PV pour éviter des fraudes éventuelles. On l'écoute. Au regard de la situation dans laquelle se trouve la population se trouve dans une pauvreté. Même l'économie actuellement n'est pas de bonne santé. Ceux qui vont donner cet argent, c'est cette même population qui est pauvre. Il faudra voir comment revoir à la baisse ces questions parce que ceux qui vont contribuer, c'est cette même population qui est pauvre. Alors, si on organise des élections, il faut créer des conditions favorables permettant à tout le monde de participer dans ces élections. Il faut éviter les conditions qui éliminent quelques-uns pour des intérêts politiques. Parce que élire et se faire élire, c'est un droit constitutionnel. Il ne faut pas maintenant qu'il y ait des lois qui empêchent la population à exercer ses droits constitutionnels. Alors, au niveau du Frodebou, nous demanderions à ce que le Sénat puisse revoir le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale pour amender ces dispositions qui ne favorisent pas la population à être libre dans les élections qui vont venir. Un autre aspect concernant le dépouillement. Au niveau du dépouillement, on a mis un alinéa qui dit que en cas de force majeure, qu'on pourra se déplacer et aller continuer le travail de dépouillement ailleurs. Nous, on est contre ça. Il faudra que le dépouillement se fasse dans les lieux de vote afin que les mandataires puissent rentrer avec des PV sur lesquels se trouvent les voix qui ont été comptabilisées sur le champ. Ça pourra éviter des fraudes. Nous, on demanderait même que les médias puissent reporter ce qu'ils voient. Ce qui se passe sur les lieux de vote. Même son de cloche avec le parti FNL. Ce parti dit n'avoir pas bien accueilli le pasquet du code électoral et en son article portant paiement d'une caution de 100 millions pour ceux qui voudront se faire élire au poste du président de la République. Jacques Guilimana, président de ce parti, signale que les partis politiques ont été écartés lors de l'élaboration du projet de loi portant un nouveau code électoral. Suivez Jacques Guilman. C'était prévu que le parti politique soit consulté pour qu'il puisse apporter des contributions sur le code électoral, mais cela n'a pas été fait. Alors, sur la question des 100 millions, la CENI nous a imposé et qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale. Je viens de vous dire que les partis politiques ont été écartés, ils ont été mis hors d'état de nuire. Alors que ça ne devait pas se faire comme ça dans un pays démocratique, là où le dialogue et la concertation a été choisi comme priorité. Alors aujourd'hui, nous sommes tous étonnés par cette mesure et surtout nous avons été étonnés par le fait que l'Assemblée nationale a voté cela, sachant très bien que les partis politiques n'ont pas été consultés. La CENI d'aujourd'hui devrait suivre le modèle des autres CENI qui ont précédé. Donc, aucune CENI n'a osé d'envisager un timing pareil. Alors, si vraiment la CENI veut que les élections soient démocratiques, faciles, abordables par tout le monde, il faut que ce timing soit revu. Et je lance en même temps un appel au gouvernement pour qu'il puisse contribuer afin que le scrutin soit apaisé avec très moins de bruit. Et aux cautions exigées à ceux qui voudront se faire élire dans les prochaines échéances électorales, le président de l'Assemblée nationale trouve que les fidèles des partis politiques sont capables de contribuer à la caution exigée pour leurs candidats dans les élections, étant donné que les Burundais ont de l'argent dans leur maison. Une affirmation de Daniel Djila Zendabirabe, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimé mardi de la semaine passée lors de l'analyse du projet de loi portant code électoral. Suivez-le en français dans cette traduction de Jean de Dieu Irakout. Comme les autres l'ont dit, j'ai un point de vue. En ce qui est de la caution, est-ce qu'on peut dire qu'on fera campagne pour les présidentielles sans soutien des membres? Est-ce que ces fidèles ne peuvent pas cotiser pour avoir les 100 millions de caution? Autre chose, vous dites, quelqu'un l'a soulevé, que ce n'est pas l'État qui finance et que c'est plutôt les membres. Moi, j'ajouterais ceci. Ce que j'ai vu la fois passée, quand il y a eu démonétisation, franchement, j'ai vu que beaucoup de personnes gardent leurs richesses dans les maisons, mais dans les banques. à la Banque de la République du Burundi, il n'y en a pas. Mais l'argent se trouve dans les maisons. Comment dites-vous que le pays est pauvre? À la Banque de la République du Burundi, il n'y en a pas. Mais les gens en ont. La preuve, allez-y voir les constructions. Même s'ils disent que le lac Tanganyika déborde, mais d'autres construisent même à l'intérieur du pays. Où est-ce qu'ils en trouvent? Poursuivons ce journal avec la même page politique. La conférence des évêques catholiques du Burundi dit être préoccupée par certains signes de monopartisme à la veille des élections au Burundi. Dans un communiqué du 21 mars 2024 et lu dans toutes les célébrations eucharistiques ce dimanche, cette conférence des évêques du Burundi trouve que l'exclusion de certains politiciens risque de replonger le pays dans des crises comme il l'a été dans le passé et appelle les dirigeants à la consolidation de la confiance mutuelle dans une administration qui est au service de tous. Suivez Monseigneur Bonaventure Naïmana, archevêque de Gitega et président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. De par le passé de notre pays, nous savons combien le Burundi, de manière récurrente, a sombré dans la violence suite à l'exclusionnisme, à la recherche des assemblées du pouvoir. Même aujourd'hui, cela demeure pour nous une préoccupation, vu qu'il existe des signes de ceux qui voudraient nous faire vivre le système politique révolu du monopartisme. Il est donc nécessaire qu'il soit renforcé un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir. Cela afin de permettre à tous les citoyens d'exprimer leurs idées par les médias de l'État. L'organisation et la tenue des meetings en respect de la loi sans aucune entrave. Cependant, s'organiser et tenir des réunions politiques ne suffit pas. Encore faut-il que tout soit mis en œuvre afin que soient garanties les libertés individuelles pour pouvoir s'atteler au développement individuel et communautaire. Ainsi, il sera possible de mieux nous préparer à des échéances électorales prochaines, inclusives, libres et transparentes. De telles élections recevraient alors sans réserve l'aval de tous. Des discours et des décisions prises mettant la demain décrédibilise les institutions étatiques, surtout lorsque les décideurs ne rendent pas compte de l'état d'avancement et des réalisations en rapport avec leurs responsabilités. Puisque le gouvernement se présente comme rétabli, comment pourrait-il correspondre à cette identité s'il ne développe pas une gestion inclusive, garantissant et promouvant le bien commun? Au moment où ceux qui sont membres d'autre parti que celui au pouvoir se retrouvent étiquetés et ne peuvent accéder à des postes de responsabilité alors qu'ils en sont capables, il devient dès lors difficile de s'engager au service du bien commun. Il est donc nécessaire que les Burundais puissent encore s'asseoir ensemble pour penser un système de gouvernement qui puisse accorder la parole à tous, se soucier du bien commun, ainsi ramener la confiance dans les instances administratives. Cette conférence des évêques catholiques du Burundi qui reconnaît les efforts des instances du pays pour augmenter la production agro-pastorale constate que l'économie du pays peine à se relever, préoccupée aussi par la flambée des prix sur le marché, la dépréciation progressive de la monnaie burundaise. Ces évêques catholiques appellent les dirigeants à une prise à bras le corps de la question de la pauvreté dans le pays. La direction du journal en ligne La Nova précise qu'elle a été surprise de l'arrestation du journaliste Sandra Mouza. Pascal Ndaisenga, directeur du journal La Nova, demande au service de sécurité de tout faire pour libérer ce journaliste. On l'écoute. Nous avons été alertés par la famille de Sandra Mohoza qui indique qu'elle a été arrêtée ce samedi. Et jusqu'à ce dimanche, nous a informé qu'elle se trouve entre les mains de la police et entre les mains des services de la sécurité. La même famille indique que Sandra Mohoza avait répondu à un appel d'une personne qui disait qu'il devait leur donner une information. Mais jusque là, il a disparu depuis ce moment. Effectivement, ce n'était pas la première fois que la personne concernée lui donne des informations parce que récemment, elle lui a fourni des informations en rapport avec la chose. C'était à Lukecho, dans la même province de Ngozi. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est parti d'une façon innocente, innocemment, croyant qu'elle va recueillir des informations. Alors, Sandra Mohoza a une adresse. Elle habite en Gozo, chef-lieu de la province. Je crois qu'elle peut être libérée pour qu'elle soit poursuivie demain ou après-demain si les services de sécurité ou les services de la justice auraient besoin de lui. Les services de sécurité ne nous ont pas encore contactés. Je vous le disais en titre que le groupement Sogeya Satom Getra qui réhabilitait la RN3 tronçon Rumonge Gitaza annonce qu'il procédera à la démobilisation de l'ensemble de ses moyens en personnel et en matériel dès le 20 avril de cette année. Dans une correspondance au directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, ce groupement dit que le montant initial alloué à ce projet a été épuisé le 15 mars 2024 lors de sa récente descente sur ce tronçon. Le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions avait déclaré que ces entreprises ne devraient pas bénéficier de montants additionnels au regard de l'état d'avancement des travaux jugés insuffisants. Jean-Pierre Misako. Dans cette correspondance du 10 avril 2024, adressée au directeur général de l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement burundais, le groupement Sogeya Satom Getra, qui réhabilitait la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge Gitaza, demande à cette agence de les notifier la suspension des délais à compter du 11 avril 2024. Ce groupement explique avoir annoncé à l'agence routière du Burundi le 28 février 2024 que le montant des travaux serait atteint le 15 mars 2024, mais que l'ARB n'avait pas réagi à cette correspondance jusqu'au 10 avril 2024. À travers cette correspondance, le groupement Sogeya Satom Getra promet d'achever au plus tard le 20 avril 2024 les travaux de sécurisation des ouvrages et procédera à la même date à la démobilisation de l'ensemble de ses moyens en personnel et matériel. Ce groupement avertit que de graves désordres ne manqueront d'affecter ces ouvrages à bref délai, faute d'avoir pu assurer un achèvement suffisant, et décline toutes responsabilités. Ce groupement précise enfin ne pas avoir été payé des montants dus par le maître d'ouvrage au titre de la révision des prix, et ce depuis juillet 2023, et pourrait recourir à certaines dispositions du contrat si cette situation n'est pas réglée dans les meilleurs délais. Des sources auprès de l'ARB indiquent que cette correspondance n'a pas encore trouvé de réponse. Lors de sa dernière descente sur ce chantier, Dieudonné de Koundané, ministre ayant les infrastructures dans ses attributions, avait déclaré inopportun d'accorder un budget additionnel à ce groupement et que même le contrat devrait être revisité ou même résilié au regard de l'état d'avancement des travaux. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique d'aujourd'hui, l'on parle de netball. Une équipe de netball est composée de 14 joueurs qui sont subdivisés dans deux groupes de 7 joueurs chacun. Diomède Bizimana, président de la Fédération burundaise de netball, fait savoir qu'un match de netball dure en général 60 minutes subdivisées en 4 cartons. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le match de netball dure 60 minutes, subdivisé à 4 quarts de 15 minutes chacun, et l'équipe vainqueur est celle qui a beaucoup de points à la fin de la rencontre. Diomède Bizimana, président de la Fédération burundaise de netball, précise que ce sport est pratiqué par des équipes composées de 14 joueurs. Le jeu de netball est subdivisé en 4 parties de 15-15 minutes. Donc le jeu totalise 60 minutes. On appelle ça carta en quart. Carta 1, 2, 3, 4. De 15 minutes. Le jeu est pratiqué par une équipe de 7, d'un côté 7, d'un autre côté 7, avec 7 remplaçants pour dire que c'est 14 joueurs, 14 joueuses. Le vainqueur, c'est celui qui se place le premier, celui qui a beaucoup plus de points, qui a beaucoup plus de buts comme les autres. C'est la même manière de comment on gagne, même dans les autres matchs. Il ajoute que ce sport est semblable à celui de basketball, mais la différence se remarque sur la dimension des ballons utilisés, sera toujours cet expert en netball. C'est un jeu qui ressemble au basket. Le terrain, les dimensions, les outils à l'intérieur, c'est-à-dire les poteaux, il y a une très grande différence. Les dimensions du ballon qu'on utilise, tout ça, ça fait une certaine particularité par rapport aux autres jeux. Le président de la Fédération burundaise de netball continue en disant que le terrain de netball a les mêmes dimensions presque à celle de handball, tout en précisant que la particularité s'observe au niveau des poteaux et des lignes qui divisent les zones. Le terrain a ces dimensions. Si vous avez déjà vu le terrain de handball, ça a la même dimension, presque. Mais la particularité reste toujours au niveau des poteaux et au niveau de traçage, les lignes, les démarcations. Parce qu'il y a des zones où un joueur est destiné à y travailler sans aller dépasser. L'endroit est indiqué pour un tel joueur, pour un tel autre joueur. Au départ, ce sport était réservé uniquement aux femmes et filles, mais pour le moment, ce jeu est en train d'embrasser tous les aspects du fait que les hommes aussi sont permis de le pratiquer. Le sport de netball, c'est un sport parmi d'autres, mais qui a quand même des particularités parce que c'est un jeu qui, au départ, était réservé aux femmes et aux filles, mais aujourd'hui, ce jeu est en train d'embrasser tous les aspects. Maintenant, il y a même des hommes. Dans la prochaine chronique sportive, Diomède Bizimana expliquera l'état des lieux de netball au Burundi, à savoir les défis et les recommandations qui peuvent contribuer à l'évolution de ce sport. Voilà, c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.